dans l'hôtel, 24 carats sur le zen. Et je me la pète, tu veux la guerre, y'a pas de problème. Viens, on se la fout, viens, on se les fait, viens, on s'en mêle. La nuit, je dors pas, toi, t'y a pas, tu sens sur ma semelle. En bas de chez moi, j'entends que des papa, papa, papa. Je vous entends pas, à vrai dire, moi, je vous écoute pas, papa, papa. Tu veux qu'il m'arrive quoi, y'a le pouce dans la papa, papa. Et y'a les gyrophares, je bombarde et je m'arrête, papa, papa. Wesh, la putain de ta mère, bougez, je t'arrache la tête. Viens si tu le souhaites, pétard s'en fout que vous soyez 7. Wesh la putain de ta mère, bougez je t'arrache la tête. Viens si tu le souhaites, pétard s'en fout que vous soyez 7. Ok stop, cut, coupez la prod, j'hésite pas à la découper. La prod politesse va te faire enculer Maroc, tout droit venu la découper. Nah, j'éteins, je suis dans le bendo, je vois que j'ai plus le temps de voir passer le temps. Elle peut te sucer pour du bédo, moi je peux te crosser sur un de temps. Wesh, j'ai la tête qui tourne, trop Maroc quand je vois tes potes qui courent. Tu parleras pas devant le Glock, va comprendre un muet devant un sourd. Affaire classique ensuite, par les yeux bandés photos, je te suis. T'es prétentieux, ça va mal finir et y'aura pas de suite. J'suis dans l'hôtel, 24 carats sur le zen. Et j'me la pète, tu veux la guerre, y'a pas de problème. Viens, on se la fout, viens, on se les fait, viens, on s'en mêle. La nuit, j'dors pas, toi, t'y'as pas du sang sur ma semelle. Terrain, bosseur, bosseur, bosseur équipé. Terrain, guetteur, guetteur, cria l'équipe. Terrain, gérant, gérant, s'occupe du sushi. Terrain, patron, patron, tu le verras jamais. Terrain, bosseur, bosseur, bosseur équipé. Terrain, guetteur, guetteur, cria l'équipe. Terrain, gérant, gérant, s'occupe du sushi. Terrain, patron, patron, tu le verras jamais. Eh, tu parles à qui? Je suis là jusqu'à tard l'ami. Même si t'es baraqué, tu parles de moi si tu parles de lui. Eh, sortez les parapluies, il va pleuvoir des balles cette année. Je suis venu, j'ai vu et j'ai tout pris. Je te sens bizarre et je vais pas te rater. Je sais plus, je veux rien savoir. Si tu fais le fou, je te rentre la pêche, tu gardes la poire. C'est ce qui va répéter mon miroir. Et là, je sais plus. J'ai un trou noir. Je viens de rentrer de la veille, je suis défoncé sur le canapé. Et viens, on se barre de là, cette phrase se répète dans ma tête. Et une liasse de billets de vin enfermée dans du cellophane. Un serrage de main, une signature, une putain de sort. Et ta vie, je suis un génie. Et barre-toi si je te gêne. Et ils parlent mal, je vais les faire. Et j'assumerai toute ma peine. Gros big up, fleuri, chocobo, mets tes bois d'art si je me parfume. Au bois d'argent, et je poserai mon cul à Bercy. Dans l'hôtel, 24 carats sur le zen. Et je me la pète, tu veux la guerre, y'a pas de problème. Viens, on se la fout, viens, on se les fait, viens, on s'en mêle. La nuit, je dors pas, toi, t'y'as pas du sang sur ma semelle. Terrain, bosseur, bosseur, bosseur équipé. Terrain, guetteur, guetteur, cria l'équipe. Terrain, gérant, gérant, s'occupe du sushi. Terrain, patron, patron, tu le verras jamais. Tu le verras jamais, patron, bah, tu le verras jamais. Terrain, bosseur, bosseur, bosseur équipé. Terrain, guetteur, guetteur, cria l'équipe. Terrain, gérant, gérant, s'occupe du sushi. Terrain, patron, patron, tu le verras jamais. Tu le verras jamais, patron, bah, tu le verras jamais.